Chapitre 22e. Enlèvement. Tout le monde était à peine sorti que la porte vitrée du couloir fut poussée violemment. « Mes lettres !» s'écria Madame de Langeais. « Mes lettres !» Écrasé de ce qu'il venait d'entendre, Saint-Georges était retombé dans un fauteuil. Au bruit que fit Madame de Langeais, il se retourna subitement. Il crut voir un spectre, tant la marquise était pâle. Elle avait écouté dans le cabinet les paroles du contrôleur général avec une horrible anxiété. Elle se précipita, la clé à la main, sur le secrétaire. « Vide !» s'écria-t-elle tout d'un coup en poussant un cri de désespoir. « Vide ?» reprit avec étonnement le chevalier. « M'auriez-vous trompé, monsieur ?» lui dit-elle. « Ou bien aurait-on volé ce dépôt ? Qui a pu s'emparer de ces lettres dont nul ne savait le prix ?»« Moi, qui les ai portées ce matin même à monsieur de Boulogne !» répondit d'une voix tonnante un homme basané, couvert d'orgueilleux haillons. Son regard effronté traduisait assez le mépris qu'il faisait de la marquise. Il entrait d'un air résolu et sardonique. « Dioblas !» s'écria Saint-Georges, foudroyé lui-même par cette subite apparition. « Dioblas !» murmura après le chevalier la tremblante marquise de Langeais. « Moi-même » continua-t-il en se drapant des plis d'un manteau percé de trous, pendant que cette femme, immobile de surprise, le contemplait de la tête aux pieds comme pour s'assurer que ce n'était pas son ombre. « C'est dans le malheur et l'abandon, reprit-il, qu'on retrouve les vrais amis. Monsieur de Boulogne vous quitte, marquise, moi je vous prends, vive Dieu. J'ai plus de pitié de vous que ce monsieur de Vannes, que l'on dit être votre amant. Je ne laisserai pas la colombe tomber au filet de l'oiseleur. Ma maison sera la vôtre, marquise de Langeais, ma maison, entendez-vous, car j'ai une maison. » « J'ai le droit de vous l'offrir. Ne m'avez-vous pas reçu autrefois ?» À cette voix terrible qui lui rappelait tous ses dangers, la marquise sentit un frisson de glace courir par ses membres. Elle n'osa pourtant pas se placer derrière Saint-Georges. « Vous êtes étonnée de me voir ici, madame ? Je n'ai fait qu'y reprendre mon bien l'autre soir. Ah, je m'en confesse au chevalier. En tout, il faut de l'ordre. Voyez-vous, et depuis un grand siècle, j'étais la piste de vos lettres. Je ne savais pas que le ciel donnerait avant-hier au chevalier l'admirable distraction de laisser sa clé sur la table que voici. Je venais lui rendre visite, parce qu'il n'est pas fier et veut bien recevoir parfois les anciens amis. Quand j'ai vu ce joli bijou de clé qui se promenait innocemment, « Santa Madre de Dios », me suis-je dit en faisant la Vierge une fervente invocation. « Faites, ma Sainte Mère, que je retrouve en ce lieu ce que je soupçonne y dormir. » « Car, mon cher Saint-Georges, vous m'aviez trop prêché le pardon des injures il y a une semaine, pour que je ne vous soupçonnasse pas un peu de vouloir vous venger en temps opportun. Je me défie toujours des belles actions. Moi, c'est ma nature. Il y avait 1000 livres à parier que monsieur le contrôleur général me recevrait, muni de ses pièces de comptabilité. Oh, il m'a donné audience avant toute la plèbe des solliciteurs. Peu s'en est fallu qu'il me proposât un emploi. Puis-je en croire mes yeux, Dioblas ? S'écria Madame de Langeais. « Quoi ? C'est vous, vous, souillé déjà de tant de crimes, que je retrouve acharné à ma ruine ? J'ai le malheur, moi, d'être constant. Que voulez-vous ? Ainsi, vous avouez que c'est vous qui m'avez perdu ? Prenez-y garde, Dioblas. Ces lettres vous accusent autant que moi. C'est ce qui m'importe peu. Il y aurait d'ailleurs prescription. Madame la marquise, notre crime à tous deux ne date-t-il pas de... Assez ! Assez ! Reprit-elle en étendant son bras vers la bouche de l'Espagnol pour lui imposer silence. « Ne me tuez pas devant monsieur de Saint-Georges, épargnez-moi. »« Pourquoi nous gêner devant le chevalier, madame ? Ces lettres ne lui ont-elles pas appris nos affaires ? Il est au courant de notre commerce amoureux. »« Chevalier, » continua-t-il en saluant Saint-Georges avec un impitoyable sang-froid, « permettez qu'à cette heure je m'occupe seul du sort de madame de Langeais. » Que voulez-vous dire, monsieur ? Demanda la créole avec angoisse. « Est-ce une raillerie ? Prétendez-vous employer avec moi la violence ? Pas le moins du monde, madame. Nous sommes dans la maison du chevalier. Je vais vous donner le bras pour en sortir. J'ai ma voiture qui vous conduira chez moi. Chez vous ? » s'écria-t-elle d'une voix altérée par la frayeur. « Chez vous ? Oh, jamais ! J'aime mieux que l'on me tue. On ne tue pas les femmes, marquise de Langeais. Mais ce sont les femmes qui font tuer, vous le savez. Votre main ? » reprit-il avec une douceur affreusement ironique. « Votre main, partons !» Et Dioblas saisit la main de Madame de Langeais. La malheureuse n'avait que trop compris l'impossibilité d'une résistance. Elle se voyait à la merci de son bourreau. « Mais c'est un abominable forfait » dit-elle en rejetant un coup d'œil de supplication au chevalier. « qui regardait sans doute cette nouvelle scène comme trop au-dessous des pensées qu'il agitait pour y intervenir comme acteur. « Que ne prenez-vous l'une de ces épées, Thioblas? Que ne prenez-vous mon sang ?»« Ce n'est pas votre sang que je veux, Caroline. C'est votre vie pour moi seule, votre vie comme je l'entends. »« Pitié !» s'écria Madame de Langeais, qui croyait entendre son arrêt de mort. « À cette prière, partons !»« Je ne partirai pas, infâme !» répondit-elle en s'attachant à l'habit de Saint-Georges. « Je ne partirai pas. Chevalier, défendez-moi. » « L'air est vif ce soir, » reprit tranquillement Thioblas. « Voici un mouchoir que je vous prie de vous laisser mettre. » Et avec la promptitude du pêcheur qui jette un filet, il étouffa les cris de la marquise sous ce bâillon, la prit dans ses bras et l'emporta jusqu'à un fiacre aux yeux du chevalier stupéfait.